Ceci est une lecture de Christophe Bouillet pour audiocité.net. Cet enregistrement est placé sous licence Creative Commons by NCSA 3.0 FR. Depuis l'arc-en-ciel. Poème en vers libre du chevalier à la rose. Parvenu au pied de notre arc-en-ciel. J'attends patiemment que tu m'y rejoignes, que mon singulier devienne pluriel, qu'en ce monde aussi tu sois ma compagne. Pris d'une soudaine et inattendue inspiration, j'escalade l'arche aux 7 variations. Non sans effort, je parviens jusqu'au sommet, et c'est de là-haut que je guette ton arrivée. Puis, sans avertir, survient l'obscurité. Alors, pour ne point cesser de veiller, et peut-être, je l'espère, pour te guider, je dessine d'un unique tracé une étoile à 5 branches qui émet une lueur blanche. Je la place ensuite dans un rond pour en faire mon médaillon. Permets au porteur de lumière que je deviens de te mener vers ces féeriques lendemains et d'offrir à nos deux cœurs en osmose le terrain fertile pour que nos roses éclosent.